Exercice 6, page 35. A. On s'est bien amusé. B. C'était très ennuyeux. C. C'est plus agréable ici. D. C'est moins incroyable qu'hier. E. Le film est trop émouvant. F. Tu l'as lu tout en entier ?